petit patapon, les Anglais qui sont sur le pont de Charenton, saute par-ci, saute par-là, et oupala. Rond et rond, petit patapon, les Anglais qui sont sur le pont de Charenton, saute par-ci, saute par-là, et oupala. Les Anglais qui sont sur le pont